إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va faire le coup numéro 20 dans l'explication du livre الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول du Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Et aujourd'hui, on va lire la fatwa de l'Etnat al-Da'ima, Hayat Kibar al-Ulama, au sujet de la question dont on a parlé hier, c'est-à-dire les questions qui ont rapport avec le dialogue et le rapprochement et l'unification des religions. Et qu'est-ce que l'islam dit à ce sujet-là par rapport à la fatwa qu'on va lire aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi, il a cité cette fatwa, qui est une fatwa du comité permanent de l'Arabie Saoudite. Donc le cheikh, il commence en disant نشر في جريدة المسلمون العدد 646 في 15 صفر سنة 1417 بعنوان دعوات مشبوهة لطباعة القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. قال فيها: وصلت المسلمون رسالة من سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مشروعة برد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأطروحات التي تتعلق بقضايا وحدة الأديان. وننشر فيما يلي الخطاب والفتوى من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة المسلمون وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث والندوات واللقاءات حول ما يسمى بوحدة الأديان أو التقريب بينها، ونظرا لما في ذلك من مضادة لكثير من المفاهيم والتعليمات الإسلامية، فقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم 19402 وتاريخ الفتوى سنة 1417 الشهر الأول اليوم 25 عن سؤال في ذلك أشفع لسعادتكم نسخة منه راجيا التكرم بنشرها في الجريدة لديكم لعموم الفائدة، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير إنه سميع قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث والإفتاء. Donc le chef, il dit que dans le magazine Al-Muslimoun, le numéro 646, le 15 du mois de Safar de 1417, il y a eu un article intitulé les invitations douteuses d'imprimer le Coran et la Bible dans un seul et même couvercle. Et dans cet article, on pouvait lire, il est parvenu au magazine Al-Muslimoun, une lettre de la part de du Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, qui est le mufti général de l'Arabie Saoudite, du royaume de l'Arabie Saoudite, et le chef du comité permanent des grands savants de l'Arabie Saoudite, de même que la direction des recherches scientifiques et de Al-Ifta, le Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz. Et il y avait, avec cette lettre, il y avait une question ou une réponse à une fatwa qui avait été demandée au cheikh au sujet de l'unification des religions. Et donc le cheikh le magazine, il publiait cette lettre avec la fatwa qui était envoyée de la part du cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah. Donc c'était envoyé au chef éditeur du magazine Al-Muslimoun. Le cheikh, il lui fait un doua en disant Wafaqahullah, et il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh Ibn Baz, il disait ensuite: on a entendu beaucoup parler dans les derniers temps des comités, des rencontres qui sont organisées et qu'on appelle l'unification des religions ou bien le rapprochement entre les religions. Et étant donné que ce genre d'événements ou ce genre de rencontres contiennent beaucoup de compréhension et d'enseignements qui sont en contradiction et en opposition avec les enseignements de l'islam, le comité permanent pour la recherche scientifique et la fatwa en Arabie Saoudite a émis la fatwa suivante, qui est le numéro 19402. La date de cette fatwa, c'est le 25 du premier mois de l'année 1418. Et le cheikh, il envoie donc au chef éditeur une copie de cette fatwa, et il espère en même temps que cette fatwa soit publiée dans le magazine. Il termine en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le texte de la fatwa, c'est le suivant. Le cheikh dit Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. أما بعد فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد لها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى وحدة الأديان دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى وما يتفرغ عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد في رحاب المطارات والجامعات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق الأوسط. وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي. Donc le cheikh il dit Alhamdulillah, et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui après qui il n'y aura pas d'autre prophète, ainsi que sur ses fidèles et sur ses compagnons et ceux qui l'ont suivi et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, Le cheikh, il dit que le comité de fatwa, le comité permanent de recherche scientifique et de fatwa, a été questionné au sujet de qu'est-ce qui est répandu et diffusé dans les médias, au sujet des opinions et des paroles de certaines personnes qui invitent à l'unification des religions. La religion de l'islam, la religion du judaïsme et la religion chrétienne. Donc, ils invitent à unir ces religions-là. Et qu'est-ce qu'on a pu constater qui a découlé de ces de cette idée-là, c'est qu'ils appellent à construire dans les salles d'attente des aéroports et des universités et des places publiques une salle qui contient une mosquée, une église et un temple ou bien une synagogue. Et ils appellent également à imprimer ou à publier le Coran, la Torah et l'Injil ensemble, dans un seul couvercle. Et il y a également beaucoup d'autres idées qui sont propagées par ces gens-là, qui appellent à ces choses-là. Et le cheikh, il dit qu'on considère que c'est quelque chose, que les idées qui sont propagées dans ces séminaires et dans ces conférences et dans ces tables de discussion et ainsi de suite et dans ces organisations dans le Moyen-Orient, là, après avoir bien observé comme il faut leurs prétentions et ce à quoi ils invitent les gens, et après avoir bien étudié leurs propos, le comité de fatwa a décidé la fatwa suivante ou les points suivants dans la fatwa. Donc c'est une fatwa qui est très élaborée, très détaillée, avec beaucoup de références et de preuves, et elle est divisée en plusieurs parties, plusieurs points. Le cheikh répond à cette idée en 10 points. Et donc on va lire point par point, inshallah, les différents aspects de cette fatwa qui implique la réfutation justement de cette idée. Le cheikh, il dit premièrement: اولا ان من اصول الاعتقاد في الاسلام المعلومه من الدين بالضروره والتي اجمع عليها المسلمون انه لا يوجد على وجه الارض دين حق سوى الاسلام وانه خاتمه الاديان وناسخ لجميع ما قبله من الاديان والملل والشرائع فلم يبقى على وجه الارض دين يتعبد به سوى الاسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان. Donc le premier point, dans le premier point, le cheikh il dit que parmi les fondements de la croyance en l'islam et parmi les choses qui sont connues par nécessité au sujet de l'islam, il y a l'aspect autour duquel tous les musulmans sont d'accord, il y a un consensus à ce sujet-là, c'est qu'il n'existe pas sur la terre une autre religion qui est vraie en dehors de l'islam, et que c'est la dernière de toutes les religions qui vient terminer toutes les autres religions, c'est-à-dire qui est khatima, c'est-à-dire qu'elle vient sceller tout ce qui a été révélé auparavant. Et en même temps, elle est venue abroger tout ce qui était révélé auparavant de religion, de voie et de législation ou de shara'a, qu'est-ce qu'on appelle shara'a, c'est-à-dire les lois qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala auparavant, elles sont toutes abrogées par l'islam. Alors, il ne reste plus sur la terre aujourd'hui une religion par laquelle on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, excepté l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 85 dans Surat Al-Imran: quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc l'islam, à partir de la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de tout ce qui a été révélé parmi les autres, parmi les autres religions qui existent. Donc tout ce qui est en dehors de ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie de l'islam, et donc ça fait partie de ce qui est faux et ça fait pas partie de la vérité. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ثانيا ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى القرآن الكريم هو آخر كتب الله نزلا وعهدا برب العالمين وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها ومهيمن عليها فلم يبقى كتاب منزل يتعبد به الله أو يتعبد الله به أو يتعبد الله به عباده سوى القرآن الكريم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Donc je m'excuse parce que j'ai un peu la voix enrouée. Le cheikh il dit dans le deuxième point, parmi les fondements de la croyance en l'islam, il y a que le livre d'Allah, le Coran, est le dernier livre qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, et la dernière alliance ou le dernier testament du Seigneur de l'univers, et qu'il vient abroger tous les livres qui ont été révélés auparavant, c'est-à-dire qu'il vient abroger la Torah, l'Injil, le Zabour et tous les autres livres également. Et il vient et il a le dessus sur tout ce qui a été révélé auparavant. Ça veut dire que tout ce qui a été révélé auparavant dans d'autres livres, eh bien, le Coran a le dessus sur qu'est-ce qui a été révélé. Et c'est le Coran qui tranche par rapport à tout ce qui est contraire au Coran. C'est le Coran qui a le dessus dans ces différentes questions-là. Après, le Cheikh, il dit, فَلَمْ يَبْقَى. Il ne reste pas aucun livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, par lequel on peut adorer Allah, par lequel les serviteurs peuvent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, excepté le Coran al-Karim. Et il mentionne le verset 48 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre en vérité pour confirmer ce qui a été révélé avant lui et pour avoir le dessus et pour être par-dessus ce qui a été révélé avant lui également. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et juge donc entre eux d'après ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ne suis pas leur passion qui t'éloigne de ce qui t'est parvenu de la vérité. Hein? Ne laisse pas leur passion, hein? Ne suis pas leur passion, et ne laisse pas te détourner de ce qui t'a été révélé de la vérité. Donc, ça c'est un ordre et c'est une explication de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit croire en ce qui a été révélé auparavant, mais que le Coran a le dessus sur tout ce qui a été révélé auparavant, et que le devoir des musulmans c'est de juger selon cette dernière révélation-là et de ne pas suivre les passions des gens du livre. Ensuite, le cheikh dit, « Thalithan, yajib al-iman bi anna al-Torah wal-Injil qad nusikha bil-Qur'an al-Karim wa annahu qad lahiqahuma al-tahrif wal-tabdil بالزيادة والنقصان كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم ومنها قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم وقوله تعالى أو قوله جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقوله سبحانه وتعالى وأن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ولهذا فما كان منه صحيحا فهو منسوخ بالإسلام وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيما فيها شيء من التوراة وقال عليه الصلاة والسلام أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آتي بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد والدارمي وغيرهما donc وغيرهما le cheikh il explique dans le point numéro 3 qu'il est obligatoire pour le musulman de croire que la Torah et l'Injil ont été abrogés par le Coran et que ces deux livres ont été déformés et falsifiés soit par des ajouts ou par des omissions dans le texte et donc ça a été clarifié dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'explique, il nous le dit dans le Coran que les gens du livre ont joué avec leur livre. Hein? Comme par exemple dans le verset 13, dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens du livre dans ce verset-là et comment ils ont annulé ou brisé leur contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala et leur pacte. Donc, il dit au verset 13 et puis à cause de leur violation de l'engagement nous les avons maudits et endurci leur cœur ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé donc ici on voit clairement la question du détournement de la parole de leur sens hein, et l'oubli de ce qui leur a été révélé et ensuite Allah dit tu ne cesseras de découvrir leur trahison sauf un petit nombre d'entre eux donc ça c'est le premier verset que le cheikh a mentionné ensuite il mentionne un autre verset qui est le verset 79 dans Surat Al-Baqarah donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset là malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. Donc ça, c'est un autre verset qui était mentionné par le cheikh au sujet de la falsification des gens du livre, à propos de leur livre. Et ensuite, le cheikh, il mentionne un troisième verset, le verset 78, dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens de ce qui suit. Il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre. Hein? Et ils disent ceci vient d'Allah alors qu'il ne vient point d'Allah. Et ils disent sciemment des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils disent ceci vient d'Allah alors qu'il ne vient point d'Allah. Donc ils disent des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance hein? Et donc ça c'est quelques versets que le cheikh a mentionné à ce sujet là et ensuite le cheikh il dit walihada fama kana donc il dit et donc à cause de ce que nous avons mentionné on peut comprendre que ce qui est correct dans les livres qui sont restés parmi les livres des gens du livre des chrétiens et des juifs ce qui existe actuellement et qui est correct, qui est vrai dedans, ça a été abrogé par l'islam, et le reste a soit été déformé ou changé, hein, ou falsifié. Donc, C'est pour ça que yani, il ne faut pas le prendre en considération ou bien yani, s'y référer. Et donc le cheikh ensuite il dit, et ça a été rapporté également de façon authentique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était mis en colère lorsqu'il a vu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avec quelques pages de la Torah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Omar ibn al-Khattab en lui disant, Ô fils de al-Khattab, est-ce que tu es dans le doute? Ne suis-je pas venu avec la religion claire? Ensuite, il lui dit, même si mon frère Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Donc, ça c'est rapporté par l'imam Ahmad et Ad-Darimi et d'autres également. Donc ça c'est une indication sur le fait que non seulement on ne doit pas suivre le Coran, autre que le Coran, c'est-à-dire la Torah et l'Injil, même si qu'est-ce qui est dedans est vrai, mais même si celui à qui ce livre-là a été révélé, c'est-à-dire même si Moïse était là aujourd'hui présent, vivant, il n'aurait d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc ça c'est très important. Et également, c'est pour nous faire comprendre aussi que n'importe quel, ça c'est vrai pour n'importe quel autre prophète, peu importe quel prophète serait vivant aujourd'hui, ou à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'applique également aux prophètes et aux révélations précédentes. Donc, même si le livre des chrétiens était 100% authentique aujourd'hui, et vrai, et qu'il n'y avait pas eu de déformation, de falsification dans leurs livres, on n'aurait pas le droit de prendre ces livres-là comme des références pour comprendre notre religion. Donc ça c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, le cheikh il dit, رابعاً ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ما كان محمد أباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلم يبقى رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان أحد من أنبياء الله حيا ما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بشريعته قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Donc ensuite le cheikh il termine ce point là en disant كما أن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس أجمعين قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وغيرها من الآيات. Donc le cheikh il dit dans ce point numéro 4 que parmi les fondements de la croyance de l'islam il y a le fait que notre messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers et des prophètes. Donc, après lui, il n'y aura pas d'autres prophètes, ni messagers. Et ça, c'est mentionné dans le verset 40, dans Surat al-Ahzab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'était pas le père d'aucun d'entre vos hommes, mais qu'il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et le dernier des prophètes, Khatam al-Nabiyyin, c'est-à-dire qu'il est celui qui vient sceller la prophétie. Après lui, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de révélation, c'est terminé la révélation. Hein? Donc le cheikh il dit, il ne reste rien que quelqu'un est obligé de suivre, excepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a amené. Et tout autre prophète, même s'il était vivant aujourd'hui, parmi les prophètes d'Allah, même s'il y en avait un qui était vivant aujourd'hui, on n'aurait pas d'autre choix, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il était vivant aujourd'hui. Et donc le cheikh il dit وَأَنَّهُ لَا يَسَعْ أَتْبَاعُهُمْ أَتْبَاعُهُمْ إِلَّا ذَلِكَ. Et la même chose s'applique à ceux qui suivent ces prophètes-là ou qui prétendent suivre ces prophètes aujourd'hui. C'est-à-dire que les prophètes de ces différentes nations-là, si ils étaient vivants aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a expliqué. Et ça s'applique également aux gens qui ont suivi ces prophètes-là, et, ou qui prétendent suivre ces prophètes-là. S'ils veulent suivre autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien entendu, ce n'est pas valable et ce n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il mentionne le verset 81 dans Surat Al-Imran qui dit « Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition ? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah subhanahu wa ta'ala, et me voici avec vous parmi les témoins. Donc ça c'est pour expliquer en fait la réalité du fait que même les messagers, avant même qu'ils soient envoyés sur la terre comme prophètes et messagers, ils ont pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala que chaque fois qu'un prophète allait venir, pendant qu'ils sont là, il devait croire en ce messager-là et le supporter. Donc ça c'est l'exemple et la preuve dans le Coran que si quelqu'un parmi les gens d'aujourd'hui dit qu'il croit ou qu'il suit un des prophètes précédents qui sont venus, un des prophètes qui est venu avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il veut il croit que il peut se passer de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors là, dans ce cas-là, il doit comprendre qu'il est dans l'erreur, puisque même les prophètes qu'ils prétendent suivre, eux-mêmes ont pris une entente avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils allaient suivre un prophète qui allait être envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il était là et s'il était vivant aujourd'hui. S'ils étaient vivants à son époque, ils n'auraient pas d'autre choix que de le suivre. Donc ça s'applique aux fidèles ou aux gens qui prétendent suivre ces prophètes-là également. Et le cheikh il explique ensuite dans cette fatwa que même si Isa alayhi salam descendait aujourd'hui, parce qu'il va descendre vers la fin des temps, et lorsqu'il va descendre, il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il va juger selon sa charia, et non pas selon une nouvelle révélation qui va lui être faite ou bien par une autre législation qui a été envoyée auparavant. Il va se limiter à la charia qui a été envoyée dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La signification de ce verset là c'est quoi? Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils retrouvent écrit dans leur livre, mentionné dans leur livre, dans la Torah et dans l'Injil. Et donc ça c'est une indication que même dans leur livre, il y avait la mention que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait venir, hein, et donc qu'ils doivent croire en lui, hein, et la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donnée clairement dans leur livre. Donc si par la suite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, ils refusent de croire en lui, alors ça implique en même temps qu'ils ont refusé de croire en leur propre révélation aujourd'hui, hein. Et donc ça c'est très important de le comprendre. Ensuite, le cheikh il dit également, il y a parmi les fondements de la croyance islamique, hein, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les peuples, à tous les hommes et même aux djinns. Et donc, quelqu'un ne peut pas prétendre aujourd'hui pouvoir s'en passer et pouvoir être en dehors de la révélation qui a été donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne le verset 28 dans Surat Saba et le verset 157 dans Surat Al-A'raf. Mais je pense que c'est pas le bon verset. 157, c'est peut-être un autre. Non. Allahu a'lam. Yani, je ne le retrouve pas. Mais bon, l'important c'est ça. C'est que le cheikh il dit que parmi les fondements de l'islam, quelqu'un ne peut pas aujourd'hui dire qu'il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, et se passer de le suivre. Ou bien ne peut pas se passer de le suivre. Et il faut comprendre qu'il est envoyé pour toute l'humanité et non pas pour un peuple en particulier ou pour une catégorie des hommes. Comme certains, par exemple, certains chrétiens arabes disent, ou bien certains chrétiens arabes ou non arabes, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était uniquement envoyé pour les arabes, ou bien ils disent qu'il était envoyé uniquement pour une période et qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de le suivre ou des choses de ce genre. Ou bien il y en a qui prétendent même qu'ils suivent Al-Khidr, hein, et qu'ils peuvent suivre aujourd'hui Al-Khidr et que Khidr leur apparaît et leur donne des différentes révélations, hein, comme certains soufis à qui prétendent des choses pareilles. Ils doivent savoir qu'aujourd'hui personne ne peut se passer de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même si Khidr était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que contrairement aux autres prophètes qui sont envoyés auparavant, la révélation qui est donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour tous les hommes et tous les djinns, et personne n'est excusé de ne pas la suivre. Donc le cheikh il dit dans ces versets là qu'il a mentionné, le premier c'est le verset 28 dans Surat Saba, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde, non ça c'est l'autre verset, ce verset là c'est et nous t'avons envoyé pour tous les hommes, kaffatan linnas, comme avertisseur et annonciateur d'une bonne nouvelle. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Donc ça c'est le premier verset. Et l'autre verset dit, ô vous les hommes, je suis un messager pour vous tous. Donc ça c'est un verset qui est clair, qui explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager pour tous les hommes, sans exception. Ensuite il dit, khamisan, cinquièmement, ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين وأنه من أهل النار كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وقال تعالى وقال جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وغيرها من الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولهذا من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر طردا للقاعدة الشرعية ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. Donc le cheikh ici il explique que parmi les fondements de l'islam, il est obligatoire de croire que toute personne qui n'entre, qui n'est pas entrée dans l'islam, parmi les juifs, parmi les chrétiens, et parmi les autres, les gens qui croient en d'autres religions, s'il n'entre pas dans l'islam, on doit l'appeler kafir, et que c'est un ennemi d'Allah, un ennemi de son messager, et un ennemi des croyants, et qu'il est dans le feu de l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat al-Bayyinah, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Donc ça c'est un verset très clair au sujet de la mécréance des gens du livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les infidèles, les gens qui ont mécru, الذين كفروا, parmi les gens du livre, ceux qui n'ont pas cru au Coran, ceux qui n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wal mushrikin, et les gens qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui font partie des mushrikin, des autres religions, ne cesseront de mécroire, ne cesseront d'être dans leur coffre, jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Et plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les kuffars parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, les mushrikoun, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Donc ça, c'est des preuves et des versets clairs qui montrent la mécréance des gens du livre. Ensuite, le cheikh, il dit donc qu'il y a beaucoup d'autres versets qui prouvent ça également, mais il se limite à ces deux versets-là. Et puis, il dit qu'il a été rapporté authentiquement dans Sahih Muslim, c'est un hadith authentique qui est rapporté dans Sahih Muslim, qui dit par celui qui détient mon âme en sa main, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah que personne n'entend parler de moi dans cette umma, qu'il soit juif ou chrétien, et qu'il meurt, il meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Donc il n'y a pas de choix aujourd'hui, il n'y a plus de choix pour quelqu'un qui prétend croire en l'islam. Il n'y a plus de choix pour quelqu'un qui est juif ou chrétien aujourd'hui et qui meurt après avoir entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du message de l'islam. Il meurt sans avoir accepté l'islam, excepté qu'il sera dans l'enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit ici. Et également, le cheikh, il termine en disant, et c'est pour ça que toute personne qui refuse de déclarer comme étant kuffar les juifs et les chrétiens, alors il est lui-même un kafir. Et ça, c'est en se basant sur la règle de la charia qui dit, quiconque ne déclare pas kafir, le kafir, quiconque refuse de dire à propos du kafir qu'il est kafir, alors il est lui-même kafir. Donc ça, c'est très important de comprendre cette règle-là en ce qui concerne les kuffars al-asliyin, les kuffars qui sont en dehors de l'islam à la base, ceux-là, celui qui doute de leur mécréance ou qui refuse de les déclarer comme étant kuffar, alors il est lui-même un kafir. Ça, c'est très important. Et ensuite, le cheikh, il mentionne le point numéro 6 dans cette fatwa. Il dit, سادساً وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية فإن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها نعم. Donc le cheikh dit, أمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية فإن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وسهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة ومصداق ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقوله جل وعلا Donc le cheikh il mentionne dans le point numéro 6, il dit une fois qu'on a pris en considération les fondements, devant ces fondements de la croyance islamique qu'on vient de mentionner et devant les réalités de la charia qu'on vient de citer dans les points précédents, dans les 5 premiers points, donc on peut donc comprendre que l'invitation à l'unification des religions ou au rapprochement entre les religions et de les mettre toutes dans une seule invitation, dans une seule appel, de les réunir ensemble dans un seul endroit, d'une seule appel, et Anis c'est une da'wa, c'est un appel d'essayer de les faire paraître comme si elles sont une seule et unique chose, ces religions là c'est un appel, une invitation à quelque chose qui est mauvais et c'est une forme de ruse qui est utilisée par les koufars. Le but qui est derrière cette ruse là c'est de mélanger qu'est-ce qui est vrai et faux ensemble, de détruire l'islam et de détruire également les fondements et les principes de base de cette religion et d'amener les musulmans à une apostasie généralisée et globalisée. Et ça c'est mentionné dans les versets du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous avertit contre les gens du livre et les koufars en général. Dans le verset 217, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent sortir de votre religion s'ils en sont capables. Donc ça c'est un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que les gens du livre et les koufars essaieront toujours de faire sortir les musulmans de leur religion s'ils en sont capables. Et ensuite il y a le verset 89 dans Sourate An-Nisa qui est mentionné, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous avertit encore une fois en disant ils souhaiteraient vous voir mécréants comme ils ont eux-mêmes mécru, pour que vous soyez donc égaux avec eux. Donc ça c'est un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part des intentions cachées des gens du livre et des koufars qui souhaitent que les musulmans soient des koufars comme eux, même si avec leur bouche ils disent autre chose que ce qui est en apparence, que ce qui est dans leur cœur. Donc ça c'est un point important à comprendre. Ensuite le cheikh dit ça bien, إن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، فلا ولا أولى براء ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله، والله جل وتقدس يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقول جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Le cheikh il dit comme point numéro 7 dans la fatwa, il dit que parmi les conséquences également et les effets de cette da'wa, de cette invitation à l'unification des religions et au rapprochement des religions, il y a une tentative d'éliminer les différences qui existent entre l'islam et le kufr, entre la vérité et le faux, entre le bien et le mal. Et il y a la destruction de cette barrière qui existe, qui fait que les musulmans et les koufars se repoussent les uns les autres et s'éloignent les uns des autres. Et donc ils veulent en même temps éliminer le principe de wala et le principe de bara, al-wala wal-bara. Et ils veulent également nier l'aspect du djihad et du combat dans l'islam pour élever la parole d'Allah sur la terre d'Allah, que Allah soit purifié de ces choses-là. Donc le cheikh il dit le verset 29 dans surat al-Ma'idah, dans surat al-Tawbah, dans surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 29 dans surat Tawbah, et combattez ceux qui ne croient pas ni en Allah, ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah a interdit ainsi que son messager, et qui ne pratiquent pas, qui ne professent pas la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya de leurs propres mains après s'être humiliés. Donc ça c'est un verset clair à ce sujet-là, et ensuite il mentionne le verset 36 dans surat At-Tawbah qui dit « Et combattez les mushrikines tout en entier, hein, combattez tous les mushrikines comme ils vous combattent tous. Combattez tous les mushrikines comme ils vous combattent tous. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est avec les pieux, avec les gens qui ont At-Taqwa. » Donc ça c'est les derniers versets qui ont été mentionnés et révélés par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet du djihad. Donc ça c'est pour expliquer que la dernière révélation, les dernières ordres qui ont été donnés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les gens du livre et en ce qui concerne le djihad, c'est de combattre tous les mushrikins sur la terre jusqu'à ce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ait le dessus sur toute autre religion. Et d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toute autre religion sur terre. Et bien entendu, ça c'est dans les règles, selon les règles et les conditions qui ont été expliquées par les ulama de l'islam depuis le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et c'est-à-dire le djihad avec un dirigeant musulman, avec son accord. Si lui, il décide que les musulmans le font, et que les musulmans en ont la capacité, dans ce cas-là, c'est un djihad. Sinon, si c'est des actes qui sont accomplis par des petits groupes, ou des gens qui se prétendent des mujahidines, et qui veulent tuer ou faire des actes de terrorisme au nom de l'islam, et qui n'ont aucune autorité officielle, alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ça ne s'appelle pas un djihad. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Comme c'est le cas des groupes d'égarement des takfiriyins et des djihadis aujourd'hui dans la plupart des pays du monde musulmans et des pays non musulmans également. Donc ça c'est juste une petite clarification à rajouter à ce sujet-là pour bien faire comprendre que le djihad, pour qu'il soit légitime, il y a des conditions à respecter. Ensuite le cheikh il dit « Thaminan » أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام لأنها تصدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا ومحرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. Donc le cheikh comme huitième point, il mentionne un point très très très important. Et il dit donc que l'appel ou l'invitation à l'unification des religions est une appel que si elle vient ou si elle est faite de la part d'une personne qui est musulmane, eh bien ce sera considéré pour cette personne comme une forme d'apostasie directe et claire de la religion de l'islam. Parce que cette invitation-là, elle vient heurter et contredire les fondements de la croyance islamique. Elle implique que quelqu'un soit satisfait de la mécréance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle implique également d'annuler ou de nier la véracité du Coran. Et elle implique également de nier que le Coran est venu abroger tout ce qui a été révélé auparavant parmi les révélations. Et elle implique de nier également ou de détruire le principe que l'islam est venu abroger tout ce qui a été ramené auparavant de législation et de religion. Et donc, étant donné que c'est que cette invitation est basée sur ces points-là et sur ces principes-là qui sont en opposition avec la croyance islamique, c'est donc une idée et une idéologie qui est fausse et rejetée selon la charia, selon la révélation. Et il est interdit d'une façon catégorique d'appeler à cette idée-là et de croire en cette idée-là d'unification des religions. Et ça s'est prouvé par toutes les preuves de la révélation islamique dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus de la Ummah. Donc, pour résumer tout ça, c'est que c'est une idée qui est kufr et qui est une forme d'apostasie. Et que si quelqu'un se dit musulman et qu'il croit en l'unification des religions, qu'il invite à ça, hein, il est kafir. S'il croit en ça, il est kafir, même s'il n'invite pas à ça. Mais s'il l'invite à ça, encore plus grave encore. D'accord. Tasi'an, neuvièmement. Wa ta'sisan ala ma taqaddam. Donc là, le cheikh, il dit, et donc en se basant, en revenant sur tout ce qu'on a établi comme fondement dans ce qui a précédé, on peut dire les choses suivantes. Et donc le cheikh, il fait une petite analyse en quelques points, en trois points différents, avant de mentionner le dernier point qui est le point numéro 10. Il dit comme, premièrement, en se basant sur ce qui a été mentionné préalablement, le cheikh il dit فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة والتشجيع عليها وتسليكها بين المسلمين فضلا عن الاستجابة لها والدعوة في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها. Le chef, il dit, il n'est pas permis pour un musulman qui croit en Allah comme son Seigneur, en l'islam comme sa religion, et en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager, d'appeler ou d'inviter à cette idéologie qui est une idéologie de péché, ou d'inviter ou d'encourager à suivre cette voie parmi les musulmans, et encore moins de répondre à cette invitation-là. Et d'entrer dans ces séminaires et dans ces conventions et de faire partie des membres de ces comités, ainsi de suite, et de ces organisations-là. Ça, c'est de un. Le point numéro deux. « La yajuzu li muslimin tiba'at al-Tawrat wal-Injil munfarid »« La yajuzu li muslimin tiba'at al-Tawrat wal-Injil munfaridain » فكيف مع القرآن في غلاف واحد فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد لما في ذلك من الجمع بين الحق القرآن الكريم والمحرف أو الحق المنسوخ التوراة والإنجيل. Le cheikh il dit, il n'est pas permis pour un musulman d'imprimer ou de publier la Torah et l'Injil tout seul, individuellement. Donc, que dire de celui qui veut imprimer la Torah et l'Injil dans un même couvercle avec le Coran? Quiconque fait ça ou invite les musulmans à ça, alors il est dans un égarement évident et lointain. Et le cheikh il dit ensuite, au fidalika, et donc il y a dans le fait d'inviter à ça ou de faire ça, de réunir tous ces livres-là et de les mettre dans un même couvercle, il y a le fait de réunir entre la vérité, qui est le Coran, et qu'est-ce qui a été déformé ou falsifié, ou bien qu'est-ce qui est vrai mais qui a été abrogé. c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Comme point numéro 3, le cheikh il dit « Wa kama la yajuzu li muslimin al-istijabati li da'wati bina masjid wa kanisa wa ma'bad fi majma'in wahidin lima fi dhalika min al-i'tirafi bi dinin يعبد الله به غير دين الإسلام وإنكار ظهوره على الدين كله ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة لأهل الأرض التدين بأي منها وأنها على قدم التساوي وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان ولا شك أن إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى تعالى الله عن ذلك كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله لأنها عبادة على غير دين الإسلام والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Le cheikh il dit, et de même que comme dans le troisième point, il n'est pas permis à un musulman de répondre à cette invitation de construire une mosquée, une église et une synagogue dans un seul et même lieu. Parce qu'il y a dans ça le fait de reconnaître qu'on puisse adorer Allah par autre que la religion de l'islam. Et il y a également la négation dans ça que l'islam est la religion qui doit avoir le dessus sur toute autre religion. Et il y a également dans ça un appel matérialiste à dire que les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont trois religions par lesquelles les êtres humains peuvent adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils peuvent choisir n'importe laquelle de ces trois-là et qu'elles sont à égalité toutes les trois et que l'islam n'est pas venu abroger que ce qui a été révélé auparavant comme religion. Il n'y a pas de doute que de croire en ça et de confirmer ça et d'être satisfait de ça, c'est une forme de kufr et un égarement, car c'est en contradiction directe avec le Coran et avec la sunna et avec l'ijma, le consensus des musulmans. Et c'est une forme de reconnaissance ou une façon de dire que les déformations et les falsifications des juifs et des chrétiens sont en réalité de la part d'Allah ou qu'elles sont acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'elles viennent d'Allah et qu'Allah soit purifié de ce genre d'idées-là ou de ce genre de choses-là. Ensuite, le cheikh il dit, il n'est pas non plus permis d'appeler les églises des maisons d'Allah. Ce ne sont pas des maisons d'Allah. Et les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala dans ces églises-là, il n'est pas permis de dire que leur adoration est correcte et acceptée d'Allah. Qu'il n'est pas permis de dire que les gens qui adorent dans ces églises-là adorent Allah d'une façon qui est acceptable et correcte. Car leur adoration est basée sur autre que l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque cherche et recherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera parmi les perdants au jour. Dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Dans le verset 85, dans Surat Al-Imran. Ensuite, le Cheikh il dit, بَلْ هِيَ بُيُوتٌ يُكْفَرُ فِيهَا بِاللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 162. Il dit, يقول ليست أي البيع والكنائس بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار. Donc le cheikh il dit, ce sont des maisons de kufr et non pas des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans ces maisons-là, on fait le kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala. On rejette la foi en Allah. Donc on demande la protection d'Allah contre le kufr et contre les gens qui le pratiquent, qui pratiquent le kufr. Et il mentionne les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmu' Fatawa, le volume 22, à la page 162. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, donc ces synagogues et ces églises ne sont pas des maisons d'Allah, car les maisons d'Allah sont uniquement les mosquées. En réalité, ces synagogues et ces églises sont des maisons dans lesquelles le kufr est pratiqué, dans lesquelles on fait le kufr, on rejette la foi en Allah. Et même si on mentionne le nom d'Allah dans ces maisons-là, elles sont à considérer par rapport aux gens qui les peuplent et qui les habitent. C'est-à-dire, étant donné que les gens qui fréquentent ces maisons sont des koufars, donc on dit que ce sont des maisons d'adoration des koufars et non pas des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a cette expression-là de la part de certains d'entre ces gens-là qui appellent à l'unification des croyances et des religions, qui nomment ces maisons-là ou ces églises-là des églises ou des maisons d'Allah. Et donc, ça c'est pour clarifier qu'on n'a pas le droit de les appeler des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier point dans cette fatwa, c'est le dixième, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ومما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك لا يكون إلا بطرق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام، وذلك للوصول إلى إقناعهم بالإسلام ودخولهم فيه أو إقامة الحجة عليهم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عن رغباتهم وتحقيق أهدافهم ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون، والله المستعان على ما يصفون. قال الله تعالى: فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. Donc le cheikh il dit comme dixième point qu'il est obligatoire de savoir que d'inviter les koufars en général et les gens du livre en particulier à l'islam est une obligation pour les musulmans. Ça c'est prouvé par les textes clairs du Coran et de la Sunna. Et toutefois il faut que ce soit fait par les voies de la clarification et de l'argumentation de la meilleure façon, et non pas de faire des compromis et de faire des concessions au sujet des aspects de la législation de l'islam, hein, pour arriver à les convaincre de rentrer dans l'islam et d'accepter l'islam. Donc il faut comprendre que si tu veux appeler les koufars à l'islam et appeler les chrétiens et les juifs à l'islam, ça c'est une obligation pour les musulmans, mais ça doit être fait de la bonne façon, c'est-à-dire avec les preuves et avec la clarification et les argumentations, et non pas en faisant des compromis avec eux pour leur faire plaisir. Il faut plutôt essayer de les convaincre en leur donnant les preuves et en établissant contre eux la preuve pour que celui qui périsse avec connaissance de cause, et celui qui reste sur la vie et qui reste vivant, c'est-à-dire celui qui reste, qui accepte la foi, il accepte la foi et il vit selon en se basant sur la preuve qui a été établie. Et donc la preuve qui est établie, c'est ça qui fait en sorte que quelqu'un, yani, suive la vérité et accepte l'islam. Donc ça c'est un point important, parce qu'il y a certains des soufis hein, et des musulmans égarés qui pensent que yani, il ne faut pas appeler les juifs et les chrétiens à l'islam. Et ils disent, ou ils pensent que qu'est-ce qu'on appelle le prosélytisme, ça c'est pas permis dans l'islam. Non, ça c'est le prosélytisme, c'est un terme qui est utilisé par les kuffars pour désigner la da'wa. Hein, désigner la da'wa, c'est-à-dire le fait d'inviter les gens à l'islam. Et il n'y a pas de doute que d'inviter les gens à l'islam, c'est quelque chose qui est ordonné par l'islam. Et c'est pas, il n'y a rien de négatif dans le fait d'appeler les gens à l'islam. Au contraire, c'est une obligation pour chaque musulman qui en est capable et qui en a la capacité et la connaissance. Donc, il y en a qui disent, hein, comme Tariq Ramadan, qui disent qu'il n'est pas d'accord avec le prosélytisme, et il prétend même que le prosélytisme est interdit dans l'islam. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant d'entendre quelqu'un qui se dit musulman et qui parle de l'islam et qui prêche l'islam, de l'entendre dire qu'on n'a pas le droit de faire de prosélytisme. Ça, c'est une grave erreur. Et il dit par exemple qu'on n'est pas ici pour appeler les kuffars à l'islam, mais qu'on est ici pour soi-disant porter témoignage. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans l'univers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans l'univers qui sont en contradiction avec ce que Allah a révélé, et il permet que ces choses-là se produisent en contradiction avec sa révélation pour une sagesse qu'il a voulu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Iblis, le shaitan, le kufr. Il a fait en sorte que le kufr existe, il a fait en sorte que le shirk existe, il a fait en sorte que les péchés existent. Et ça, c'est bien entendu, ça existe uniquement par sa volonté, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il a voulu également que le christianisme et le judaïsme existent, qu'il y ait des chrétiens et des juifs. Mais le fait que ces choses-là existent, ce n'est pas la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Au contraire, il les a dénoncés, il les a déclarés kuffars, il leur a promis l'enfer, il a promis à toute personne qui croit ou qui yani, fait ces choses-là ou suit ces choses-là, le kufr et le shirk et les autres religions, il leur a promis l'enfer et il a expliqué dans sa révélation qu'il les a yani, détestés et qu'il leur a promis l'enfer. Donc, le fait que ces choses-là existent n'est pas une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ces choses-là. Mais ces choses-là existent pour tester les hommes. C'est une épreuve, c'est un test, et ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ces choses-là n'avaient pas existé, il n'y aurait pas eu d'épreuves et de tests. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout prédestiné et tout calculé sur la terre. Mais il ne faut pas utiliser la prédestination et la création pour justifier la mécréance et l'égarement et les fausses religions et la diversité dans l'égarement des hommes aujourd'hui, comme le font certains parmi les soufis et certains autres parmi les jahmiyas et les jabriyas. Tout ça, c'est des groupes d'égarement qui ont déformé la réalité de l'islam à cause de leur ignorance et de leur incompréhension de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était juste un point en passant. Ensuite, on revient avec la lecture du verset que le cheikh a mentionné, qui est le verset 64 dans sourate Al-Imran. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer, sans faire de shirk, et que nous ne prenions point les uns les autres pour des seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Hein? Soyez témoins que nous sommes musulmans. » Donc ça, c'est pour faire comprendre qu'il doit y avoir une invitation à l'islam, mais que cette invitation-là, elle ne doit pas être faite au nom d'un compromis par rapport à la religion. Ensuite, il dit, mais le fait d'établir par la suite, si quelqu'un établit des conventions, des séminaires ou des conférences et des rencontres pour faire des dialogues avec les gens du livre, dans le but de faire des compromis et de répondre à leur désir que les musulmans s'éloignent de la révélation pour réaliser et pour atteindre leurs objectifs et leurs buts par rapport à l'islam, pour détruire l'islam et pour détruire les fondements de la croyance islamique et de la foi. Alors dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est à rejeter, que Allah a refusé et que son prophète, son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les croyants ont rejeté également. Et donc c'est à Allah qu'on doit demander notre aide par rapport à ce qu'il lui attribue, hein, qu'il soit purifié de tout ce qu'il lui attribue de fausseté. Et le cheikh, il dit par la suite un verset pour terminer, qui est le verset 49 dans Surat Al-Ma'ida, et prends garde qu'il ne cherche de t'égarer d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Hein? Ensuite, donc ça c'est pour expliquer qu'il y a deux catégories de dialogue. On voit que ici le cheikh il essaie d'expliquer qu'il y a deux catégories de dialogue. Il y a un dialogue qui est basé sur le fait d'établir la preuve et de clarifier la réalité et la vérité de l'islam pour les koufars et leur réfuter leur fausseté et leur doute et leurs fausses allégations. Ça c'est un dialogue et une rencontre qui est basée sur le fait d'établir la preuve, et ça c'est, dans ce cas là c'est quelque chose de louable et quelque chose de bien. Toutefois, si c'est une rencontre avec les koufars et un dialogue avec les koufars dans le but de répondre à leur appel, de faire des compromis et de se rabaisser à eux ou d'agréer de leur mécréance et d'accepter leur mécréance, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est à rejeter, qui est complètement faux. Et donc, il faut distinguer entre les deux catégories de dialogue, soi-disant. Parce que ce n'est pas tous les dialogues avec les koufars qui sont kufr. C'est la catégorie de dialogue avec les koufars qui est kufr, c'est la catégorie dans laquelle il y a une négation de la vérité et une affirmation du mensonge, ou dans laquelle on fait des compromis par rapport à l'islam pour plaire aux koufars. Donc ça c'est bien distinguer la différence entre les deux catégories de dialogue avec les koufars. Ensuite le cheikh dit وَاللَّجْنَ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ وتبينه للناس فإنها توصي المسلمين بعامة وأهل العلم بخاصة بتقوى الله ومراقبته وحماية الإسلام وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته والكفر وأهله وتحذرهم من هذه الدعوة الفكرية الضالة وحدة الأديان ومن الوقوع في حبائلها نعوذ بالله من كل مسلم يكون سببا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين وترويجها بينهم ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا جميعا من ضلالات الفتن وأن يجعلنا هداة مهتدين وحماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الرئيس الشيخ عبد العزيز بن باز نائب الرئيس الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعضو الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد وعضو الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. Donc la fin de la conclusion de cette fatwa, c'est que le comité permanent de fatwa de l'Arabie Saoudite a clarifié et a décidé qu'est-ce qu'on a dit, et elle clarifie également pour les gens, et elle conseille aux musulmans en général et aux savants en particulier de craindre Allah et d'être conscient de sa présence et qu'il est proche de nous et qu'il nous surveille. Et également, il faut qu'ils réalisent qu'ils doivent protéger l'islam et protéger la croyance des musulmans de toute forme d'égarement et des gens qui appellent à l'égarement, et qu'ils doivent protéger également contre le kufr et les gens qui appellent au kufr et avertir les musulmans de toutes ces formes d'invitations de kufr et d'égarement, comme par exemple le fait d'appeler à l'unification des religions ou de tomber dans ces pièges. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger et de protéger tous les musulmans de devenir une cause qui pour amener les gens dans une forme quelconque d'égarement ou d'amener cet égarement-là dans les pays musulmans et de la propager entre les musulmans. Donc on demande à Allah de nous protéger et de protéger tout musulman de devenir une cause pour la propagation de cet égarement-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs élevés et qui sont des beaux noms et des belles attributs élevés de gloire et de grandeur, de nous protéger tous contre les égarements et les tentations et qu'il nous fasse ou qu'il fasse de nous des gens qui sont guidés et qui appellent à la guidance et qui protègent l'islam sur la guidance et sur la connaissance et la lumière de notre Seigneur et Yannick pour qu'on reste sur la guidance jusqu'à ce qu'on le rencontre et qu'il sera satisfait de nous et le succès appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et paix et salut sur son messager, sur notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses fidèles et sur ses compagnons. Et ça c'est le comité permanent de recherche scientifique et de fatwa. Et donc c'est les différents chouyours qu'on a mentionnés à la fin. À la tête de ce comité, dans cette fatwa, il y avait Cheikh Ibn Baz, le mufti actuel, le Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, le Cheikh Bakr Abu Zayd et le Cheikh Saleh Ibn Fawzan Al-Fawzan. Donc ça c'est les différents chouyours qui ont signé cette fatwa. Et ensuite le Cheikh dit « Wa akhiran أسمعت أخي المسلم أسمعت أخي المسلم هذه الفتوى الرصينة العظيمة التي عليها نور الحق والهدى المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة النابعة من معدنها ومن جهابذة العلم وأساطين المعرفة ودعاة الخير بعض كبار علماء الدولة السعودية دولة التوحيد التي تحكم شرع الله تحكم شرع الله في محاكمها وتنشر دينه في أجيالها مستقا من النبع الصافي من النبع الصافي والسلسبيل العذر وهو شرع الله المأخوذ من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم في كل زمن من أئمة الهدى وقادة الخير إلى يوم القيامة الذين ذكرهم نبي الهدى ذكرا جميلا ووصفهم وصفا عظيما فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة وعليك أخي القارئ بهذه الفتوى فخذ بها وتشبث بها ولا يغرنك عن دينك الغرارون الماكرون الذين يريدون سلب عقيدتك منك وإلقائك في نار جهنم وبالله التوفيق. Donc le Cheikh Ahmed al-Najmi il fait un commentaire en disant: n'as-tu pas entendu cette fatwa, ô mon frère musulman, cette fatwa qui est solidement établie et qui est grande, remplie de lumière, de la vérité et de la guidance, établie et basée sur le Coran, sur la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le consensus de la Ummah. Hein? Et elle est établie selon ses sources et ses références et ses bases par des grands savants. Qui connaissent, qui ont une grande connaissance de l'islam et qui appellent au bien parmi les grands ulama de l'Arabie Saoudite, le pays du Tawhid, qui applique dans ses tribunaux la loi et la charia d'Allah et qui répand partout sa religion à travers les générations et qui extrait cette religion-là de ses références et de ses sources, c'est-à-dire de la charia d'Allah qui est tiré du Coran et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et sur la compréhension des salaf salih, c'est-à-dire à partir des sahaba, des tabi'in et de ceux qui les ont suivis à toute époque hein, parmi les imams de la guidance et les dirigeants qui ont indiqué et amené les gens au bien et qui vont continuer à le faire jusqu'au jour de la résurrection, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la guidance, a mentionné par les plus belles descriptions et les a décrits par les grandes explications en disant qu'il y aura toujours une partie ou un groupe de la Ummah qui va être sur la vérité. Et ceux qui vont les abandonner ou les contredire ne vont jamais leur nuire jusqu'au jour de la résurrection. Et il dit le cheikh, et voilà donc pour toi, ô mon frère musulman, cette fatwa, prends-la et accroche-toi à cette fatwa et ne te laisse pas tromper et détourner de ta religion par les gens qui essaient de te tromper et de faire des ruses et qui veulent t'extraire ou te faire sortir de ta croyance, faire sortir de toi cette croyance et te jeter dans le feu de l'enfer. Et le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit ويعلم الله أني فرحت بهذه الفتوى حين نشرت لأني كنت قد كتبت هذا الرد ورغم أني متأكد مما كتبت أنه حق ومما رددت عليه أنه باطل إلا أنني كنت أخشى الاتهام بالتسارع إلى التكفير وهذه قالة يرددها كثير من الناس لا سيما من لهم تعاطف مع أصحاب المناهج المنحرفة من غير أن يتعبوا أنفسهم في البحث عن الحقائق هدانا الله وإياهم. والمهم أني فرحت بهذه الفتوى لأنها صدرت من قمم الفتوى والعلم وأيدت ما سطرته فالحمد لله أولا وأخيرا وآخرا Voilà, yustaghrab al-shay min ma'danihi kama qil. Donc le cheikh il termine l'explication de cette fatwa ou la mention de cette fatwa par le commentaire qui suit, et nous aussi on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui avec la traduction de ce dernier point ou de ce dernier petit commentaire. Le cheikh il explique un petit point ici qui est très intéressant. Il dit, Allah est témoin que je me suis réjoui de cette fatwa lorsqu'elle a été diffusée. Parce que j'avais écrit cette réfutation contre les Ikhwan, contre les gens de Bid'ah. Et malgré que j'étais convaincu moi-même, et je savais, j'étais certain de ce que j'avais écrit et que c'était la vérité. Mais j'étais convaincu de ce que j'avais réfuté. Hein, de leur mensonge. Toutefois, je craignais certaines accusations de la part de certaines personnes qui auraient pu, par exemple, dire que je me précipite à faire le takfir. Et c'est une parole que beaucoup de gens disent aujourd'hui. Hein. Ils disent souvent ça. Que lorsque quelqu'un mentionne les points qu'on a mentionnés dans cette réfutation du cheikh Ahmed al-Najmi, il y a beaucoup de gens qui sont pris par les sentiments pour les gens qui suivent ces organisations et ces groupes et ces manahij de bid'a comme les Ikhwan. Ils sont pris par une sorte d'émotion et de sentiment et ils essaient de les défendre et ils disent non, tu te précipites, tu fais le takfir ou des choses comme ça. Donc le cheikh il dit que ils ne se sont pas fatigués souvent pour faire des recherches au sujet de la réalité de ce à quoi ces gens-là appellent de fausseté. Et donc Allah nous guide et que Allah les guide. Et qu'est-ce qui est important, c'est que je me suis réjoui de cette fatwa lorsqu'elle est sortie, parce que c'est parmi les meilleures fatwas et le plus haut niveau de science. Et cette fatwa est venue confirmer et supporter ce que j'avais écrit. Donc alhamdoulillah au début et à la fin. Et on ne doit pas être étonné d'une chose lorsqu'elle vient de sa source, hein, comme on dit. Donc, alhamdoulilah, ça c'est le dernier point qu'on va lire aujourd'hui pour en ce qui concerne cette partie du livre. Et en même temps, je voudrais juste rajouter un petit point aussi, c'est que moi-même, quand j'ai lu ce livre, cette réfutation du Cheikh Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qoul ala al-Muttasil al-Majhoul, j'ai vraiment été content de la lire moi aussi, comme le Cheikh a été content de lire la fatwa de Al-Lajna lorsqu'il l'a lu. J'ai été réjoui de la lire et j'ai été content de la lire moi-même parce que j'ai trouvé que dans ce livre-là, il y avait même la confirmation de ce que j'avais écrit dans mon livre, l'islam ou l'intégrisme. Et donc, quand je l'ai lu, j'ai dit, subhanallah, certaines personnes m'ont critiqué par rapport à certaines choses que j'avais écrites dans le livre, hein, et bien entendu, ce n'était pas des salafis qui m'ont critiqué, mais souvent des gens de Hizbiyya, parmi les Ikhwan et tout. Et par la suite, j'ai compris, bien entendu, que la raison pour laquelle ils me critiquaient, c'est justement parce que tout ce qui est critiqué et dénoncé dans le livre « L'islam ou l'intégrisme », en réalité, fait partie des idéologies des Ikhwan. Hein, et qu'en réfutant les idéologies des Kuffar, je réfutais indirectement les idées des Ikhwan, sans même le savoir. Alors, je me suis réjoui donc d'avoir trouvé cette réfutation du Cheikh Ahmed al-Najmi, et j'ai compris en fait, en réalité, que, et en fait c'est une chose que j'avais déjà compris même avant d'avoir écrit le livre, parce que j'avais déjà lu d'autres livres et d'autres références et d'autres réfutations des ulama qui parlaient de ce sujet-là, mais jamais aussi condensé et aussi concentré que cette réfutation qui est mentionnée par le Cheikh Ahmed al-Najmi ici, qui est aussi claire et aussi directe. Et j'ai décidé de faire la traduction de cette réfutation-là en réalité pour faire comprendre et pour faire voir aux frères la force des ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a qui suivent la voie des salaf, leur courage, leur force dans la façon de décrire et de dire la vérité, et en même temps aussi pour faire comprendre que la façon dont j'ai écrit le livre, l'islam ou l'intégrisme, c'est juste une goutte d'eau et c'est rien du tout par rapport à la comparaison lorsqu'on regarde les paroles des savants de l'islam lorsqu'ils écrivent les livres en arabe. C'est-à-dire, ils disent les choses clairement et directement. Et ils parlent de ce que Allah a dit et de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc, quand j'avais écrit ce livre, je me suis basé à la base sur les paroles des ulama. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont été surpris peut-être du style de l'écriture et comment il était direct. Ils ne réalisaient pas que, en réalité, c'était juste, en fait, l'expression de la façon dont les savants de l'islam réfutent les kuffars et les gens de bid'ah. Et en fait, c'est rien parce que il y a des livres de réfutation écrits par les ulama d'Ahl Sunnah qui sont beaucoup plus durs et beaucoup plus directs, dans le sens que elles utilisent des termes vraiment plus raides et sévères parfois en ce qui concerne les mubtadi'a et les kuffars lorsqu'ils appellent au shirk et à la bid'a ou à d'autres contradictions de la sharia. Donc c'était juste pour faire comprendre aux gens qui ne parlent pas l'arabe ce point-là. Parce que, en réalité, c'est une chose qui est inconnue de la part des beaucoup de convertis ou de gens qui sont nouvellement convertis ou qui sont nés musulmans mais qui n'ont pas eu accès aux livres de réfutation. Parce que la façon dont l'islam est présenté en Occident, c'est on leur présente les choses d'une manière, la façon dont on présente l'islam aux convertis, c'est comme si on essaie de leur présenter le christianisme, d'une certaine façon. Et donc, les Ikhwan, c'est ça ce qu'ils font souvent, ils ont inventé un islam spécial pour les convertis. C'est un islam chrétien, christianisé. Un islam qui ne défend pas la vérité et qui ne réfute pas le mensonge. Et qui accepte tout. Et qui est ouvert à tout, qu'est-ce qui est faux, et qu'est-ce qui est mensonger, et qu'est-ce qui est contraire à la réalité. Donc, quand quelqu'un n'a pas lu les livres de réfutation de l'islam, et quand quelqu'un n'a pas non plus compris les livres de tafsir du Coran et la langue arabe, il ne peut pas comprendre cet aspect-là de l'islam. et la force de l'islam. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette traduction. Donc, j'ai dépassé le temps que je m'étais établi pour faire ce cours d'aujourd'hui. Mais je pense que c'était nécessaire pour clarifier certains points. Donc, alhamdoulilah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Une chose est importante à rappeler, c'est que on a maintenant traversé la plus grosse partie de la fatwa. Maintenant, le plus important de la fatwa a été dit. Maintenant, on a terminé la critique des Ikhwan. Et là, maintenant, le cheikh, il va juste, dans les pages qui suivent, faire une conclusion. Et donc, nous, Inch'Allah, on va continuer le cours la semaine prochaine. Il ne reste pas beaucoup pour terminer le livre. Donc, on a presque fini. Donc, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.